tu l'aimes si philanthrope, ne me prends pas pour un misanthrope. Bon, curriculum vitae ne compte chaque trop peu de Fidji. Pas mal parcouru les ondes avec ma clique, mouvement stellaire, lumière noire, et claquenco pour la suite. C'est entre frères que nous faisons de la musique, mais nous ne sommes pas fermés. On ne refuse jamais une invite, ici c'est flow, rajouter de Dao. Pour les intimes, futurs stars sans le platine, qui n'a peur de ton estime. Ah, précis la solidité, mon nous sature, bientôt 15 ans que je perdure. Dans ce noir à sens structure, les jours qui passent sont faits de solitude, plein d'inexactitude. T'en sort des banques, ton attitude et de ton respect. Rien n'oublie jamais que tu peux y rester. Combien d'entre nous se sont précipités dans l'excès? Ce faux un exercice de style. Sache que la plupart des meufs veulent te la mettre tranquille, te prendre ton bif et prendre tes kiffs. Pourquoi la plupart des mises proviennent des caniches? Personne n'est pas à me plaindre, alors passons à autre chose. Avoue, ce bouquet de rimes que je te propose. Ah, là-bas ce beat pue l'essence et je suis son pic. Prends format, je plonge dans le formol, ton équipe en formation. Je viens ambiancer ta soirée à l'instant. Tu vas danser quand je rentre dans la partie. C'est pas pour couper, décaler, pour l'instant c'est rime. Gratos dont tu kiffes pas trop. Tu préfères kiffer la zig d'un millionnaire sous coke. Quoi que je fasse, ça n'est pas dans ton intérêt. On ne va pas se voiler la face, c'est mon nom bien représenté. Flow, c'est juste un blast, c'est juste une voix, c'est juste une ombre. Dites-leur que j'ai jamais vu le jour si mon son reste dans la pénombre. Flow, c'est juste un homme, c'est juste une âme, c'est juste un nombre. Ah, précis mon arithmétique avant que je m'écroule sous les décombres.